ça me mettre sous mon volume, si un truc là, s'il te plaît. Yeah, man. Yeah, ma fille, ma fille, ma fille, yeah. Huh. Yeah. Quand Mia ka prend le vol, et sous ka voué, maman. L'amour pas ka mort, et fait l'amour pas paix, maman. Non, pas ka des modes, oui, y'a ka fait, maman. En y les gros confort, vrai tes forces à faire, maman. Mia ka prend le vol, et sous ka voué, maman. L'amour pas ka mort, et fait l'amour pas paix, maman. Non, pas ka des modes, oui, y'a ka fait, maman. En y les gros confort, vrai tes forces à faire, maman. Envie ou veuve, non, moi. Ou sauter dans le vide, mets ton corps de cou en moins. Et briller pour tout ça fine. Un savon en fait en moins. Non, faut pas en perdre en fil. Faut regarder tête en moins. Pour bannir à fin l'asile. Sans qu'à couler tous les choux. Prière grippée à tous les coups. Non, vie là pas douce. Faut apprendre à caisser les coups. Ne veulent chez les fous. On s'entretue pour quelques sous. Et si t'appelles au secours, les trois corps deviennent au sou. Grimpez pas par les gènes. Gènes fait pas par les grands. Y'aura reproduit bêtement. Ça y'aura voyé à l'écran. Pour n'importe qui si problème. Y'a fait pas mon bal en chambre. Société la malade. Et pas de ni pour traitement. Mia qu'a pris le vol. Et sous qu'a voué maman. L'amour pas qu'a mort, et fait l'amour pas paix, maman. Non, pas qu'à des modes, oui, y'a qu'à faire, maman. En y les gros confort, vrai tes forces à faire, maman. N'y a qu'à prendre le vol, et sous qu'à faire, maman. L'amour pas qu'à mort, et fait l'amour pas paix, maman. Non, pas qu'à des modes, oui, y'a qu'à faire, maman. En y les gros confort, vrai tes forces à faire, maman. On n'a pas qu'à tous les ronds. Entre tuer nos poules roux. Les vrais qui est toujours au front. Les faux et bas couteau en dos. Comptez si vous même. Ou peut pas compter si on l'eau. Amitié a yo en top. C'est silence en qui en l'or. La haine vit la mort. Même j'en dis la jolie la mort. Villa ça pas mort. Pour survivre faut être fort. Yo vais pousser what the fuck. What the fuck, what the stop. Bienvenue dans la force, jeune Jedi, ouais, cherche la force. Monde a de plus en plus gore. On est tous pris à la gorge. Enfermés dans nos châteaux forts. Un mental solide, on se forge. À la ouais, cherche du confort. Tu peux rêver que quand tu dors. Quand tu te bouges, tu t'en sors. Améliore-toi, fais des efforts. Mia qu'a pris le vol. Et sous qu'a voué, maman. L'amour pas qu'à mort. Et fait l'amour pas paix, maman. Non, pas qu'à des modes. Oui, y'a qu'à faire, maman. En y les gros confort. Vrai tes forces à faire, maman. Mia qu'à prendre le vol. Et sous qu'à voué, maman. L'amour pas qu'à mort. Et fait l'amour pas paix, maman. Non, pas qu'à des modes. Oui, y'a qu'à faire, maman. En y les gros confort. Vrai tes forces à faire, maman.